Analyse du 28 février 2022, cher Pawan. La relève est là. À tous mes amis et amies nouvellement éveillés, je détecte chez de nouveaux éveillés qui publient à cette heure de manière frénétique la même hargne et la même volonté de bien faire dans leur partage que lorsque je m'excitais en 2020 sur Facebook pour éveiller mes contemporains, en passant pour la plupart du temps pour un débile profond. Le temps passant et un divorce plus tard, j'ai réalisé que l'on peut emmener un cheval à la rivière, mais qu'on ne peut pas boire à sa place. Pourtant, il n'y a pas un jour durant ces deux dernières années où je n'ai pas partagé des infos jamais contredites, hormis par des censures et des blocages sur Facebook, jusqu'à 4 en un seul mois, que ce soit concernant la pandémie ou la politique extérieure des psychopathes qui nous dirigent. Mais la relève est là et elle partage. Nous sommes de plus en plus nombreux. Mais ce partage est fatigant, très fatigant, je dirais même usant. Néanmoins, je me suis dit, passer pour un débile profond de complotiste durant 2 ou 3 ans n'est rien en comparaison de devoir vivre le restant de mes jours en regrettant de n'avoir rien compris à ce qu'il se passe, de n'avoir rien fait pour changer les choses, tout en y perdant au passage la santé pour ceux et celles qui ont plié devant l'agresseur. 2 ans plus tard, l'éveil se fait petit à petit, de manière exponentielle et inexorable, mais laisse encore une grande partie du troupeau en dissonance cognitive, par désintérêt, par égo ou tout simplement par mauvaise foi et orgueil mal placé. À cette heure, ça devient vraiment pathologique. 2 catégories de citoyens se sont formées avec la pandémie Covid. Ceux qui pigent et ceux qui ne pigent pas, c'est comme ça. Ceux qui manifestent et ceux qui nous critiquent sans venir vérifier à Bruxelles les chiffres des médias. Ceux qui refusent d'obéir aveuglément et ceux qui acceptent tout pour préserver une normalité anormale et un niveau de vie qu'ils pensent immuable. Ceux qui se battent pour leurs gosses tout simplement par sécurité et ceux qui les emmènent se faire picouser avec des produits incertains en phase de test, mais définitifs dans les organismes injectés, histoire d'avaliser leurs propres choix merdiques et inconscients. Ceux qui font fonctionner leur cerveau reptilien et leur sens critique afin d'actionner le sacro-saint principe de précaution, et ceux qui cautionnent le principe de fonctionnement du troupeau ou du banc de sardines en se répétant « jusqu'ici tout va bien ». Même si, dans la masse, l'un ou l'autre mouton se fait choper par le berger pour le méchoui, ou des milliers de sardines en périphérie du banc se font happer par les requins, subissant les effets secondaires innombrables et meurtriers, gosses y compris. Jusqu'ici, tout va bien, pour eux. Le principal étant d'avancer sans que ce triste sort ne les atteigne eux-mêmes, jusqu'au jour où ils apprennent le décès soudain du cousin François, à 37 ans, d'une myocardite. Mais même là, c'est toujours plus simple d'accuser la faute à pas de chance. Car jusqu'ici, pour ces gens, tout va bien. Les mêmes inconscients vaccinaux, qui ont la chance de s'installer grâce à leur passe nasitaire dans un restaurant et qui emmerdent le restaurateur avec la liste des allergènes qui pourraient les envoyer à l'hosto. C'est fascinant. Plus le temps passe et plus ces 2 catégories se transforment en 2 clans, les résistants et les collabos. Bien sûr, la 2e catégorie ne supporte pas ce comparatif, mais force est de constater que cela s'avère exact. Les médecins qui soignent vraiment, et les autres, qui suivent les protocoles imposés par l'ordre, sorte de gestapo pour les docs, en contradiction complète avec leur serment d'hypocrite, car bien sûr, ils ont des crédits, sans blague. Leur crédit, VS votre santé. La police, l'armée, les soignants, les profs, les directeurs d'école, et j'en oublie, autant qu'ils oublient eux, qu'ils auront tous et toutes des comptes à rendre à la fin des combats. Ce fut toujours le cas par le passé. Chacun ses choix et chacun sa propre conscience. Le plus dur pour eux ne sera pas de reconnaître d'avoir eu tort, mais de l'expliquer à leurs enfants lorsque ceux-ci, à 18 ans, entendront d'un cardiologue que le sport leur est désormais interdit à cause de la viscosité de leur sang et de la présence de microthromboses indétectables à cette heure, même à l'hôpital. Qui cherche trouve, bien sûr, mais les médecins collabos appliquent des protocoles et ces recherches n'en font tout simplement pas partie, comme par hasard. Dans ces deux catégories, se profilent maintenant une compréhension et une difficulté supplémentaires, celle de la géopolitique et du risque de conflits armés avec la Russie. Ceux qui confondent encore avec l'URSS étant, eux, définitivement irrécupérables. Se dessinent alors les pros et les anti-Poutine, comme nous avions les pros et les anti-Raoult. Comme ce sont les mêmes psychopathes qui sont derrière cette pseudo-pandémie et cette guerre contre les peuples, il n'est plus vraiment compliqué de comprendre qui est derrière les livraisons d'armes en masse vers l'Ukraine et pourquoi les kabbalistes européens ne peuvent se permettre de perdre l'Ukraine que les Américains ont patiemment déstructurée grâce à la CIA. Ils y ont installé tout leur trafic merdique depuis 2014. Labo P4 et trafics humains ont massacré des dizaines de milliers de pro-russes en bombardant tous les jours le Donbass et pour finir, ont lâché des hordes de psychopathes néo-nazis formés comme gardes-frontières par la même CIA et Black Matters. Dans les médias mainstream, l'explication est simple et rationnelle, c'est celle du méchant dictateur Poutine. 5 minutes de compréhension et de propagande suffisent lors du 19h au mouton standard pour qu'il aille se coucher informé et en possession du savoir qu'il pourra partager avec le reste du troupeau le lendemain au travail. Un peu comme avec Trump durant 4 ans. Tout aussi simpliste que leur sens critique, car lorsque Poutine procédera à des mesures coercitives à l'encontre de la Belgique, qui vient d'envoyer à l'autre tojol du showbiz ukrainien, j'ai nommé Zelensky, 20 000 mitrailleuses, munitions et carburant, ces derniers n'auront que leurs yeux pour pleurer. D'ailleurs, on n'entend plus beaucoup les bobos de gauche antifascistes et pro-paix s'insurger contre les envois d'armes létales à un gouvernement génocidaire qui plus est hors OTAN et hors UE. Vous allez d'ailleurs voir à quelle vitesse fulgurante l'Europe peut travailler avec votre pognon pour faire entrer ce pays dans l'UE à la place des 20 ans qui auraient été nécessaires. Ne dit-on pas, plus c'est gros et plus ça passe. Les vrais éveillés ne sont pas dupes de la supercherie européenne et de la cabale mondialiste, tandis que la plupart du troupeau à la tête dans le guidon Covidio, tracassés que sont les moutons par l'imminence de la troisième dose et par leur application CST, Covid Safe Ticket, encore verte, et qui leur rappelle tous les matins que la date fatidique approche à grands pas. Ceux-là ont du mal à comprendre, ne serait-ce qu'un iota, par ignorance et fainéantise crasse, car déjà qu'ils avaient peur de tomber malades, ils se voient maintenant mourir dans une guerre thermonucléaire. À cause des ruses, évidemment, et non pas à cause de leurs bêtises humaines. Chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive. En effet, on a les chefs qu'on mérite. Et la vie est un sport dangereux, faut-il le rappeler? Deux catégories de citoyens, dans l'une qui se prépare psychologiquement et dans les faits à d'éventuels blackouts, en faisant des réserves pour 1 ou 2 mois minimum et en se regroupant, alors que l'autre vivote, telle la cigale de la fable de La Fontaine, et va bientôt prendre conscience de la plus magistrale arnaque de l'humanité qui ne va plus tarder à leur exploser à la gueule. Cette catégorie bien pensante et certaine d'être du bon côté de l'histoire, vu qu'elle se trouve dans le plus gros du troupeau, va du coup littéralement péter un câble et en devenir dangereux pour la société lorsqu'elle comprendra que nos élites sont non seulement responsables de la situation économique, géopolitique, mais de la crise Covid elle-même, et même des actions de Vlad. également responsables de la détérioration de leur propre santé via de multiples injections qui n'ont, à vrai dire, pour celui qui fait quelques recherches, absolument plus rien de scientifique. Covid-19 étant une petite grippe respiratoire saisonnière fabriquée par l'homme et agrémentée d'un fragment HIV en gain de fonction que de multiples confinements et vaccinations ont fait évoluer en différents variants, dont il y a fort à parier qu'Omicron soit le dernier après 2 ans, comme toutes les maladies respiratoires. Omicron est celui qui va immuniser tout le troupeau et toute l'humanité, qu'elle le veuille ou non, et pourrait être considéré comme le variant complotiste ou complologue, terme que je préfère entre tous, pour étudier les comploteurs et défaire les complots. Un variant complologue, tellement il fait le taf, au même titre que les soldats numériques de Q, intelligence militaire de la NSA. Me voilà donc, après 2 ans, vierge du nez, non injectée, et assez frustrée de ne pas connaître les symptômes du Covid. Même pas mal, alors que je possède les traitements interdits depuis juillet 2020. Mais il y a fort à parier qu'une interaction prochaine se fasse néanmoins entre le Covid et les vaccinés 3 doses par effondrement de leur propre immunité. Le sida reviendrait donc en force dans l'actualité prochaine. Vrai ou faux, je m'en cale, vu que les seuls à se tracasser à cette heure sont ceux et celles qui m'ont excommunié et se sont fait injecter, tant ce que je leur disais était insupportable à entendre. L'avenir nous le dira. Mais pour finir de manière positive, je dirais que seuls les cons ne changent pas d'avis, et pour cela, que Dieu leur vienne en aide. Non pas dans les minutes qui suivent leurs injections programmées avec des effets secondaires minimes suite à la picouse, mais sur le moyen et le long terme, vu qu'à cette heure, ils ont d'ores et déjà rejoint la grande communauté des transhumains marquée ad vitam par l'ARNM, les plaçant dorénavant sous brevet américain. Il serait trop long de développer ici toutes les autres joyeusetés présentes dans les fameuses thérapies géniques de Pfizer, dont l'Hydra vulgaris, petit parasite immortel qui n'a rien à y foutre, pas plus que les nanobots capables de reconstituer des micropuces RFID à l'intérieur de la caboche de nos complologues, ce qui remplacera les implants sous-cutanés prévus initialement. Et oui, la technologie avance bien plus vite que les théories conspirationnistes, c'est un fait. Pour terminer sur 2 notes positives, j'ajouterai qu'il est très simple pour les êtres de lumière de connaître leur situation médicale concernant d'hypothétiques microcoagulations et donc de microthromboses, véritables petites bombes à retardement, résultantes des trions de molécules spike avec lesquels ils ont accepté de fusionner, grâce notamment à la 3e dose appelée booster. 1. Trouver un bon médecin, ce qui n'est pas gagné à cette heure, mais tout complologue certifié pourra vous aider. 2. Grâce à une prise de sang et une recherche très simple, mais occultée en ce moment par la science, faire le test des D-dimères, plus quelques autres marqueurs sanguins, qui reflète le niveau de la microcoagulation sanguine. Taux de D-dimère en dessous de 500. Bien. Au-dessus de 500, à surveiller. Au-dessus de 1500, pas bien. Au-dessus de 2000, pas bien du tout. Un médecin résistant vous fera bien sûr le test et vous mettra possiblement sous anticoagulant quelques semaines avec un traitement à l'aspirine. Les médecins collabos vous diront d'aller vous faire foutre, même s'ils ont fait au minimum 7 ans d'études juste pour suivre des protocoles. J'en suis même à ma 3e année en autodidacte, et je peux vous assurer que ce n'est pas si insurmontable que ça en a l'air. Non, je déconne. La 2e bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale, pour une raison simple, c'est que nous y sommes déjà depuis 2016. Et puis désolé pour le stress induit par cette nouvelle. Poutine nettoie son marais ukrainien comme Trump a nettoyé le sien en 2018. Pour le reste, le nouvel ordre mondial est mort-né et nous sommes les témoins privilégiés de son agonie. Pas de guerre thermonucléaire donc, mais une alliance qui œuvre actuellement pour le bien du troupeau, mais qui doit néanmoins l'amener vers le bord du précipice afin de procéder au grand réveil final. Sortir l'humanité d'une hypnose collective mise au point depuis plus de 30 ans n'est pas chose aisée, et cela prend du temps, beaucoup de temps. Seuls les complologues ont vraiment la patience car ils sont convaincus de l'issue finale du plan. Les autres, réveillés depuis peu, s'impatientent. Mais le gros du troupeau s'en bat les couilles tant que son pass reste suffisamment vert jusqu'au début juillet. Top départ des ramonages de pif et des PCR à gogo pour partir se prélasser sur les côtes françaises ou espagnoles. Dans la vie, nous sommes tous maîtres de nos choix et ces psychopathes ont toujours besoin de notre consentement éclairé ou non pour atteindre leurs objectifs mortifères et sataniques. Chez les satanistes, c'est l'une de leurs lois, un peu comme les 10 commandements chez les catholiques. C'est pour cette raison qu'à cette heure, il n'y a toujours pas d'obligation vaccinale, quoi que vous en pensiez. Elle n'est pas nécessaire, mais nous restons, en toutes circonstances, maîtres de notre propre choix. Il y a toujours à cette heure la possibilité laissée à notre libre arbitre de rejoindre l'une ou l'autre des catégories. Celle des résistants ou celle des collabos du système. Les résistants accueillent tous les jours des éveillés, vaccinés ou non, car l'union fait la force. À bon entendeur, merci à toute cette belle résistance d'éveillés. Prenez soin de vous, cher Pawan.